Section 17 de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatreault. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Une maladie cutanée. Dans une famille d'un faubourg de Montréal, une de ces bonnes canadiennes de l'ancien temps, comme on n'en fait plus de nos jours, est sur un lit de douleur et se gratte la fesse droite d'une manière désordonnée, en proie à une maladie de peau qui la fait geindre horriblement. 5 ou 6 commères des environs venus pour la consoler et compatir à ses peines profitent de l'occasion pour jaser à qui mieux sur ce cas extraordinaire et font des commentaires sur cette maladie. « On dit que c'était la grattelle, » dit l'une. « Le docteur est-il venu ?» remarque une autre. « Oui, il vient de partir. »« Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ben, il a dit comme ça que c'était une maladie cutanée. »« Ah, ben, c'est pas ben étonnant. Elle a élevé 14 enfants. » Alors, une des commères, qui n'avait encore rien dit et qui était bien dans la soixantaine, « Ah, ben, en v'là une affaire. Moi, j'ai 60 ans passé. J'en ai élevé 19. Je suis veuve aujourd'hui. Mais si je trouve à me remarier, je suis parée à recommencer. » On parle de monter Chanteclair à Montréal. À ce sujet, un vieux débris de la vieille garde théâtrale qui a traîné sur les planches de tous nos théâtres français faisait cette réflexion. « Oh, moi, je suis prête à me sacrifier, encore une fois, et je remplirai avec plaisir le rôle de la faisane. »« Ce sera une faisane faisandée, » remarque une de ses bonnes petites amies. À Québec, on a signalé à la Société protectrice des animaux un abus qui nous intéresse tous. Un individu est surpris par un des membres de la société, frappant sans pitié une pauvre rosse. « Pourquoi battez-vous cette bête ?»« Pour le mener plus vite au port ou l'attente de bateau de Montréal. »« Qu'en fera-t-on à Montréal ?»« De l'extrait de bœuf. » Fin de la section 17, lue par Sandra, près de Montréal, 2026.